Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. S'évader, cette pensée hante les jours et les nuits du prisonnier. S'évader, c'est après tout le premier des devoirs du détenu, et d'ailleurs, comme on l'entendra ici, l'évasion n'est pas en elle-même condamnée par la loi. L'évasion, la belle, c'était en 1983 le thème d'une série de 5 épisodes que proposait Jean-Pierre Milovanov dans Les Nuits Magnétiques. Se faire la belle, c'est saisir l'occasion, profiter de l'instant propice, des circonstances favorables pour tromper la vigilance de ses gardiens. Mais les belles, les plus belles sont tout de même celles qui ont été longuement mûries et planifiées, jour après jour, mois après mois, année après année parfois. Elles sont le fruit d'une longue observation minutieuse des mouvements quotidiens et des habitudes de la prison, de son architecture, de la base au sommet, de ses serrures et de ses barreaux. Quelques-unes nous sont racontées dans ce deuxième volet, notamment par Serge Livrosé et René Girier, dit René Lacanne, un grand expert en la matière. Voici les Nuits Magnétiques, présentées par Jean-Pierre Milovanov. Bonsoir. Absolument démonté, j'étais démoralisé, je ne pouvais pas lire, je ne pouvais rien faire. Il fallait que je trouve, et la veille ou dans la nuit, 2-3 heures du matin, je me disais, demain, il faudra que je trouve quelque chose, il faut que je cherche, il n'y a rien à faire, il faut trouver toujours, toujours, toujours. C'était une obsession, je marchais pendant 20-25 km dans la cellule dans la journée, mais il fallait trouver, il fallait chercher, parce que je me disais, mince, la liberté, quand je voyais un oiseau, l'oiseau qui se posait sur ma fenêtre, je me disais, merde, il n'y a quand même que 4 barreaux qui me séparent. Moralement, c'était ça, mais autrement, non, pratiquement, c'était pas ça, il n'y avait pas que les 4 barreaux. Il y avait la scie, il y avait tout. Hein, il y avait les murs, il y avait, enfin, etc., le panier à salade, il y avait d'autres choses. La Belle, Mehdi Elhadj, Jean-Pierre Milovanov, Les coups des franges. Je volais dans les villas de Cimier, enfin, tu sais, l'un des Anglais, enfin, les endroits un peu huppés de Nice. Serge Livrosé. Et je m'étais fait arrêter parce que j'avais été dénoncé par un type qui m'avait vu une fois faire une cavale et qui, m'ayant revu dans un bar, c'était une petite ville, Nice, il n'y a que 300 000 habitants. J'ai pas eu de chance parce que 300 000 habitants, on aurait pu passer à travers. Je ne suis pas passé à travers. Je dois avoir une gueule qui se remet très vite. Et il m'a dénoncé. Alors j'étais en train de jouer au baby-foot, quoi, et puis les flics sont arrivés. Et j'ai pas eu de chance parce que j'avais une clé de la consigne, j'avais rien chez moi, mais j'avais une clé de la consigne de la gare. Et quand je suis sorti avec les flics, je l'ai jeté dans un coin d'arbre, pour pas que ça fasse de bruit, là où il y a de la terre. Et un flic qui a vu m'a dit, c'est à vous, Serge, non, c'est pas à moi. Enfin, il avait vu que j'avais jeté. Et donc avec ça, j'étais accroché, comme on dit. Quoi. Et donc je me suis retrouvé au commissariat de Nice. Et au commissariat de Nice, donc, je me suis retrouvé dans des cellules difficiles. Pour s'en évader, quoi, c'est quasiment impossible. Alors je décide, moi, à courir le risque, pourtant j'étais pas un... C'est là d'ailleurs qu'on comprend très bien comment on devient un grand voyou, sans le faire esprit, en fait, très souvent. Parce que d'un truc anodin, la peur de faire trop d'années de prison fait qu'on peut devenir, selon les circonstances, peut-être un assassin. Et j'ai été prêt à assommer un des flics en lui demandant si, d'aller pisser un coup, par exemple, et j'étais prêt à l'assommer pour partir de cette cellule. J'ai tenté le coup deux ou trois fois et j'avais dit aux deux ou trois types qui étaient là, je vais partir, vous fermez vos gueules, parce qu'il faut toujours se méfier de ces types qui se mettent à crier. Bon, enfin, alors je leur dis, vous fermez vos gueules, je vais m'arracher d'ici. Ils me disaient, c'est pas possible. Enfin, une heure ou deux passent, j'avais tenté le coup, mais chaque fois j'avais pas eu de chance, il y avait deux ou trois gardiens, enfin peut-être que j'ai eu de la chance en fin de compte. Parce que je me suis retrouvé à un moment donné interrogé par le commissaire qui me montre la clé et qui me dit, alors c'est à vous, s'agit non. Il me dit, écoute, enfin, parce qu'il m'a tutoyé évidemment. On se tutoie toujours dans ces moments-là, enfin, à sens unique, évidemment. C'est lui qui tutoyait et qui me dit, écoute, c'est pas difficile, tu as joué au poker, t'as perdu, il faut payer. Je n'ai pas joué au poker, je n'ai pas perdu, je sais pas, la clé, je la connais pas, je sais pas ce dont vous parlez. Alors, il insiste, et puis il me dit, on va aller à la consigne, et j'espère que tu seras gentil. Bon, je lui dis, moi, je vais pas être gentil, j'ai dit, je vous dirai ce que je sais, mais moi, la clé, je la connais pas. Il me dit, écoute, tu as intérêt à parler, enfin, etc. Et puis, il essaye de m'avoir à la bonne après avoir essayé de m'avoir à la dure. Hein. C'est-à-dire, tu sais, c'est un peu la douche écossaise. Tu sais, tu vois dans ces films, des fois, un flic qui est méchant, un flic qui est gentil. Mais là, c'est pareil. Il y avait un flic gentil, un flic méchant. Mais enfin, là, il était seul. Il jouait les deux rôles. Et au lieu de me redescendre dans ces cellules, il me redescend dans ce qu'on appelait l'ancien violon. Et l'ancien violon, c'est un truc où on mettait encore les prostituées, on mettait les femmes, et on les mettait d'un côté, il y avait un flic au milieu, et les cellules des hommes étaient de l'autre côté. Donc si tu veux, l'ancien violon était partagé, il n'était plus utilisé, et il était partagé en deux. D'un côté, on mettait les femmes, prostituées, il y avait un gardien qui était au milieu, la sortie était juste en face du gardien, et de l'autre côté, du côté droit du gardien, il y avait les hommes. Quoi. C'est, alors, normalement, les hommes. Mais il se trouve que je suis seul dans cette cellule. C'est une grande, en fait. C'était le violon, si tu veux, c'était une pièce qui faisait, mettons, 50-60 mètres carrés, selon les commissariats, où on était à 10, 15, 20, des fois, tu vois, où tu dors à même le sol quand tu passes une nuit. Et moi, j'étais seul. Alors, le flic arrive, et pour m'avoir à la bonne, parce que maintenant, j'ai pris la mesure de tout ça, je me suis cultivé un peu. À l'époque, j'étais pas capable de cerner les causes de cette situation, mais maintenant, a posteriori, j'ai pu, je crois, cerner les causes psychologiques qui ont déterminé la possibilité de mon évasion. Ce qui s'est passé, c'est que le flic, voulant m'avoir à la bonne, il joue le cinéma devant le mannequin, ce qu'on appelle un mannequin, c'est-à-dire un type habillé, le gardien, quoi, hein, gardien de la paix. Et il dit au gardien de la paix, bon, vous lui donnez une bière, vous lui donnez un sandwich, il veut m'avoir à la bonne, le flic. Et ça va bien se passer, il va être gentil, ça va bien se passer. Bon, moi, quand je vois ça, je joue le jeu avec le gardien de la paix, me disant, il vaut mieux qu'il croie que je suis minable, que je suis rien du tout, que je suis là pour rien, plutôt que de faire la forte tête et de pas jouer le jeu du commissaire. Sachant pas encore où ça allait me mener, évidemment. Et je dis donc au flic, ouais, enfin, c'est rien. Le commissaire s'en va, alors garde-le, je vais venir le rechercher, mais apporte-lui une bière et un sandwich. Moi, je dis, le flic me dit, ça a l'air de bien se passer. Je lui dis, oui, ça va, il n'y a rien, j'ai rien fait, alors il n'y a pas de problème. Je joue le jeu de celui qui n'a rien fait, quoi, évidemment. Et le flic, sympa. Et il me ferme, alors il m'enlève mes lacets, ma cravate, et il m'enferme dans la garde à vue. Et là-bas, d'ailleurs, il ne m'avait pas enlevé les lacets dans l'autre. C'était bizarre, mais parce qu'on était moins sûr, c'était différent, on était plusieurs. Peut-être qu'ils avaient moins peur du suicide, enfin, je ne sais pas. Là, il m'enlève les lacets, je me retrouve donc sans lacets, sans cravate et sans ceinture. Et il m'enferme. Mais alors, au lieu de m'enfermer, comme il est confiant, j'ai déduit que c'était comme ça, il pousse la porte à l'espagnolette, simplement, mais il n'y a pas de gâche, hein, quand même. Il n'y a pas de poignée, plutôt. Les poignées ont été retirées, tout de même. Comme j'ai aucun instrument, je ne dois pas pouvoir ouvrir, normalement. Normalement, s'il avait bien fait son boulot, il aurait dû, en plus, fermer à clé. C'est-à-dire, pousser la porte, lui, il avait une poignée qui est dans la serrure, et il pouvait ouvrir avec ça. Mais en plus, normalement, de sa poignée, il avait une clé, il devait fermer en plus. Bon, il ne ferme pas à clé, pensant qu'il allait me ramener bientôt le sandwich, pensant n'importe quoi. Enfin, je ne sais pas ce qu'il pense dans sa tête, enfin, ça se passe comme ça. Mais comme c'est mon métier de voler et d'ouvrir les portes, de trouver des astuces pour ouvrir des portes, qui sont fermées à double tour, et celle-là n'étant pas fermée, c'est tout en fer et il y a des cornières. Et je m'aperçois qu'en glissant mon doigt le long de la cornière, j'ai de grandes mains, j'ai de longs doigts, j'arrive à attraper la gâche. Cette gâche qui, en fait, c'est une gâche à ressort, puisque c'est simplement celle qui est poussée d'une poignée normale. Si ça avait été la serrure, je ne pouvais pas la repousser avec le doigt. Mais comme ce n'est pas la serrure que c'était cette gâche-là, je la repousse avec le doigt. Et je m'aperçois donc qu'en la repoussant, j'ouvre la porte. Seulement, tout n'est pas fait, parce qu'il est encore là, le gardien. Et lui, pas moyen de l'assommer, en l'occurrence, puisque de toute façon, il est devant moi, il va me voir arriver. Moi, j'aurais pu assommer quelqu'un par derrière, mais par devant, je ne m'en sentais pas de... Non, mais c'est vrai, je veux dire, je ne me voyais pas faire un corps à corps avec un flic qui a un calibre et tout, c'était pas possible. Assommer un type, ça va, quand on bénéficie de l'effet de surprise, mais une bagarre, je ne savais pas comment ça allait pouvoir tourner, c'était pas possible d'être sûr de vaincre, et puis il appelait au secours, j'en avais 15 sur le dos, j'ai quand même le commissariat central de Nice. Et j'ai encore un coup de bol extraordinaire. Les femmes qui sont là, elles sont une dizaine dans leur coin, qui sont donc à mon opposé à moi, et l'attirent en l'appelant. Mais je ne suis pas de connivence avec les femmes. Les femmes l'appellent comme ça pour en cacher l'aspirine, je ne sais pas. Et donc, il l'appelle plutôt, et lui, il va. Et moi, j'avais entrouvert la porte, il ne pouvait pas voir, évidemment, mais je le vois passer, comme j'ai la porte entrouverte, juste un peu, pour pas qu'il voit, évidemment. Et il va vers les femmes. Et donc, il s'avance, et j'arrive donc à le voir s'avancer vers les femmes, et je pousse la porte pour sortir un peu plus, mais à ce moment-là, il revient, manque de chance, je retire vite la porte, sans faire de bruit, il voit rien, je dis, ça y est, je vous fais le coup. Et 5 minutes se passent, peut-être. Il ne m'a toujours pas apporté ma bière et mon sandwich. Et les femmes le rappellent de nouveau. Et alors, il s'approche des femmes, doucement. Enfin, doucement, normalement, quoi. Et moi, je suis là, j'attends, je guette. Mais comme j'avais hésité la première fois, j'avais l'expérience. C'est-à-dire, je savais que l'aller-retour allait être rapide. Donc, il fallait que je profite. J'avais 7-8 mètres à faire, qui me séparaient de ma porte de cellule jusqu'à la porte de sortie où je me retrouvais dans la cour du commissariat. Ces 7-8 mètres, il fallait que je les fasse sur la pointe des pieds, très vite, et avant qu'il retourne, parce que sinon, il avait crié, il était capable de me tirer dessus, des bavures aux policiers, on en a vu d'autres. Alors, j'attends. Dès que les femmes l'appellent, je n'ai pas hésité. Au lieu d'attendre qu'il soit aux femmes, en me disant il va discuter peut-être une minute avec, je n'ai pas attendu. Dès l'instant où elles l'ont appelé, j'étais aux aguets, je suis sorti de la. J'ai ouvert la porte, complètement, je suis sorti, et en catimini, je suis sorti dans la cour. J'ai réussi à rejoindre la cour. En repoussant la porte, tout ça en repoussant ma porte, parce que sachant bien que sans la repousser avec la gâche, quand même, ça aurait fait du bruit, je ne prenais pas ces précautions-là quand même, mais je faisais attention que la porte ne soit pas ouverte en plein, qu'il ne la voit pas. Et quand il a dû revenir, il n'a pas dû voir la porte, parce que j'ai eu le temps de traverser toute la cour du commissariat, tranquille. Alors là, il faut faire l'effort de marcher doucement, enfin normalement, pas doucement, ni trop vite, ni trop doucement, mais normalement, c'est-à-dire avoir donné l'impression d'être un type qui se promène là. Ce que je ne savais pas, c'était l'heure. Quand je suis sorti, j'ai suivi le long couloir qui traverse le commissariat. Il y avait des flics qui traversaient. Là, moi, j'ai dit bonsoir. Je faisais le type qui sortait de là normalement, qui était peut-être un flic d'ailleurs. Je n'avais pas de cravate, c'est tout. Ils ne voyaient pas que je n'avais pas de lacets. Et quand je suis sorti, il y avait 2 flics à la porte. On était encore à l'époque de l'OS. C'était encore chaud à Nice. C'était des endroits où ça bagarrait dur. Quoi. Il y avait des bombes, des trucs comme ça. Il y avait 2 flics avec la mitraillette au milieu, qui a encadré la porte, une porte qui faisait un mètre de large à peine. Je suis passé au milieu d'eux, j'ai dit bonsoir, ils m'ont dit bonsoir, j'ai tourné à gauche, première rue à gauche, et dès qu'ils n'ont plus pu me voir, je me suis mis à courir. Taxi, j'avais plus un rond, et chez un ami qui habitait juste au-dessus de l'avenue de la Victoire, enfin pas au-dessus, dans l'avenue de la Victoire, et qui habitait au 2e étage dans l'avenue de la Victoire. Et j'ai pu voir, alors toute la nuit, un spectacle assez extraordinaire, les flics fous que je sois parti de là, qui sillonnaient Nice et qui ont arrêté toutes les prostituées ce soir-là qu'ils ont pu voir de France et de Navarre. Et je suis resté comme ça donc toute la nuit. Le lendemain, je me suis grimé un peu et je suis parti pour Marseille. Quelqu'un qui est parti au lendemain d'une condamnation à la maison d'arrêt de Pau. Il avait été condamné à 13 années de réclusion criminelle. Jean-Louis Pelletier, avocat. Il est parti 48 heures après, l'évasion classique. Il a scié les barreaux. Il a réussi à parvenir dans la cour de la prison. Là, il a bénéficié d'un concours de circonstances assez extraordinaire. C'est qu'alors qu'on le cherchait, lui était resté à l'intérieur du couloir de ronde. Il avait trouvé une guérite pour se dissimuler, et comme il y avait des va-et-vient justement pour le retrouver, on a malencontreusement ouvert la porte de la prison, et c'est par la porte qui s'en est allé. Bon, ben, je peux dire que cet homme, qui d'ailleurs a été repris par la suite et à qui l'on a beaucoup reproché d'avoir pendant tout le temps de sa cavale, qui a duré un certain temps, écrit d'une façon qu'il croyait être plaisante au président qu'il avait condamné. Le président de cette cour d'assises recevait de temps en temps une carte postale d'un des quatre coins du monde. On lui disait, voyez, c'est moi, je me porte bien, je pense bien à vous, c'est peut-être pas d'un goût très sûr. Il a d'ailleurs ensuite toujours indiqué que ce n'était pas lui qui avait écrit ces cartes. Mais cet homme qui a été retrouvé, comme je vous dis, pratiquement, ils sont tous retrouvés arrêtés, n'a bénéficié d'aucune complicité. Il s'est retrouvé sur le pavé de Pau, en tenue pénitentiaire, sans argent, sans moyens particuliers. Et il a réussi à s'en sortir, et à s'en sortir pratiquement tout seul. On comprend mal comment un complice s'évader. Eh bien, il y a un de ces évadés, c'est la Valette, qui a dit comment le prisonnier réussit-il à s'évader et comment le gardien ne l'empêche-t-il pas. Lucien Gaillard. Eh bien, c'est parce que le gardien pense de temps en temps que le prisonnier peut être évadé, mais il n'y pense que de temps en temps. Il a une femme, des enfants, des ennuis, des soucis. Le prisonnier, lui, pense tout le temps à son évasion. Il observe tout, parce que s'évader, c'est un angle, c'est une observation. J'étais prisonnier en Allemagne, je connais le problème personnellement, si je veux dire. C'est observer tous les faits, se dire, je passerai par là, je peux le faire, vous voyez. Il y a des tas de combines. Par exemple, dans une ronde, eh bien, il suffit de voir et de compter le temps avec patience que dans une ronde, la ronde va du point A au point B toutes les 12 minutes, que quand elle a passé, elle ne repassera pas avant tellement de temps. C'est ça, vous voyez. Il y en a maintenant d'amusantes, puisque nous y sommes. Ça, c'est l'évasion d'un chouan, c'est une évasion à Paris qui est amusante. Ce chouan qui est d'ailleurs assez obscur, il a fait qu'à partir de la campagne de Pichegru, qui aussi s'est évadé. Alors celui-là, il était emprisonné également dans une prison parisienne, disons le mot. Et alors, pour s'évader, il fallait creuser un trou. Mais le trou, il pouvait le mettre. Par terre, c'était dalle, c'était trop dur. Le mur. Alors le mur, il a une idée. Il demande au gardien une feuille de papier. Et sur cette feuille de papier, il commence par faire d'autres dessins, puis sur une grande feuille, il dessine une guillotine. C'est le premier empire. Et il paraît que tous les jours, il disait au gardien, vous voyez, je passe, ah, il disait, moi, je finirai par passer par là. Et le gardien, qui est un brave homme, il dit, mais non, monsieur, vous savez, maintenant, ça s'est atténué, on est sous l'empire. Il disait, non, vous savez, un beau jour, je passerai par là. Et derrière, il faisait le trou dans le mur, et un beau jour, paraît-il, il a passé par là. René Girier. Comment devient-on passe-muraille ? On devient passe-muraille par force. Dit René Lacan. Par force, ce qui veut dire, c'est que quand j'étais gamin, j'avais rencontré à Trévoux, dans une de mes premières prisons, j'avais 15 ans, je crois, 15 ans, oui, à peu près, un vieux truand qui pillait tous les trains internationaux m'avait dit « à toute cuirasse, il y a un défaut, et à toi de chercher, et puis on trouve toujours, mais enfin, il faut y mettre toutes ses tripes, et puis et souvent, il laissait sa peau, il laissait ses os. » Alors voilà comment je suis venu un petit peu comme ça, parce que moi, j'aime beaucoup la liberté, et puis il fallait absolument que je trouve le truc, quoi. Partout où je suis passé, je savais que mes peines étaient toujours lourdes, qu'ils m'attendaient. Puis je voulais pas rester, c'est tout. C'est, je pense que l'art du prisonnier ou l'art du policier, c'est de nous arrêter. L'art du prisonnier, eh bien, c'est de se cavaler, c'est de s'évader, quoi. C'est normal. Sans ça, il mettrait pas de mur, il mettrait pas de prison, il payerait pas des surveillants, etc., quoi. Voilà. Voilà comment on devient comme ça, en aimant la liberté par-dessus tout. Par-dessus tout et tous. The je me suis évadé de prison allemande, je me suis évadé de Trévoux, je me suis évadé de train de déporté, je me suis évadé... Il n'y a pas une évasion pareille. Mis à part la santé, l'histoire du fourgon cellulaire, mais même à la santé, j'avais prévu d'autres évasions que celle-ci. Mais j'ai choisi celle-ci parce que je pensais qu'elle était plus... Elle était plus rationnelle, elle ne mettait pas la vie en danger de personne, si ce n'est que la mienne. Mais enfin, ça, libre ou mourir, hein, c'est un peu ma devise, c'est pas que la mienne d'ailleurs, je pense. Et à partir de ce moment où un homme est prêt à donner sa vie dans n'importe quoi, hein, on arrive à passer un jour ou l'autre. Mais je vous dis, pour donner un point précis, c'est difficile parce que pas une évasion est la même. Parce que pas, quand je suis parti de Pont-l'Évêque, c'était autre chose. Quand je suis parti de Fresnes, l'hôpital de Fresnes, l'hôpital, la prison de Fresnes, c'était encore autre chose. Ça veut dire qu'il y avait des CRS, il y avait des... Et d'autres, il n'y en a pas. D'autres, c'est des miradors. D'autres, il y a des points électroniques, etc. Vous comprenez, on ne peut pas... Je ne peux pas non plus, présentement, faire un point très, très précis de chaque technique pour chaque prison et pour chaque évasion. C'est spécial. C'est tellement spécial que quelquefois, par exemple, comme moi, je préparais... Je voyais plusieurs choses, à tel point que toutes les gardes de nuit, les rondes et tout, j'étais en haute surveillance pendant des années. Hein. Je suis resté 8 ans quand même seul à la santé, dans une cellule. Je suis resté exactement 7 ans et 4 mois à la santé, seul. Alors, et j'avais tout un tas de repères pour épier les rondes, pour pouvoir établir moi-même une grille des rondes. Et croyez-moi que c'est très long à faire, ça. Alors, à partir du moment... où on sait comment se passent les rondes, même d'une année sur l'autre, c'est très long, on peut trouver le défaut à la cuirasse. Mais là, je me suis aperçu que de la santé, c'était pratiquement difficile, et puis qu'il y avait quand même 90 chances sur 100 d'être marron, enfin de se faire prendre, ou alors de se casser la gueule, parce que moi, je voulais monter sur les toits, et puis des toits passer... boulevard Arago, des trucs comme ça, quoi, avec quelqu'un qui m'envoyait un filin. Enfin bon, tout ça, c'était au point. Mais je vous dis, c'est difficile parce que il faut quand même, je dirais presque des années pour réussir l'évasion parfaite. Mais alors maintenant, avec les méthodes de maintenant, ils font tourner beaucoup les gens. Hein. Bon, les détenus tournent beaucoup. Ils restent 18 mois, 2 ans dans une centrale ou dans une grande prison. Puis après, ils le changent. C'est donc très difficile maintenant, à s'évader, ça c'est vrai, d'abord il y en a peu. Ça, les paniers à salade, maintenant ils sont blindés, hein. Ça c'est sûr, on pourrait plus passer par en dessous. Vous me direz, on peut peut-être passer par au-dessus, je sais pas, j'ai pas étudié le coup. Hein. Près de 20 ans d'un personnage assez pittoresque qui avait été consul de Belgique au Katanga, qui avait organisé Radio Katanga, donc un nouveau confrère, et qui en fait passait pour, mais ça c'est un qualificatif qu'on reprend périodiquement, qui passait pour l'escroc du siècle, et qui ayant essaimé la France de faux traveler chèques, qui avait été fait sur des fausses banques qu'il avait inventées de toutes pièces. Après avoir été pris à Toulon, ayant à effectuer un périple judiciaire qui le menait aux quatre coins de France, a été un jour acheminé de Toulon à une ville de Bretagne, je ne me souviens plus exactement laquelle. Et alors comme, en définitive, le comportement de cet homme était devenu très banal au fur et à mesure que la détention avait progressé, on lui a adjoint deux gardiens d'escorte qui étaient deux braves gendarmes de la région méditerranéenne. Et pendant tout le parcours aller, c'est-à-dire de Toulon, mettons Lorient ou Vannes, je ne me souviens plus, il n'a eu de cesse de mettre en confiance ces braves gendarmes. Il voyageait à trois, lui avait les menottes. Alors dans un premier temps, lorsqu'il avait soif, il se faisait payer à boire les canettes de bière dans le train. Et puis, comme il n'avait pas d'argent sur lui, il faisait d'abord tirer des espèces de bons, paraît-il, sur le compte de ses avocats de l'époque. Les gendarmes considéraient que ce procédé était tout à fait normal. Quand on est arrivé en Bretagne et qu'il a comparu devant le tribunal, c'était une comparution de principe puisqu'il avait déjà atteint le plafond qui était de 5 ans, donc la peine qu'on lui décernait était une peine qui venait se confondre avec les autres. Et ça se passait alors là dans un climat de confiance presque totale, c'était très détendu. Et sur le chemin du retour, le climat était encore tellement plus détendu que devant s'arrêter à la gare de Lyon en transit, il a réussi à se faire d'abord enlever les menottes parce qu'on avait quelques heures à passer sur le quai de la gare de Lyon. Puis il a dit à ses gendarmes que c'était pas normal qu'ils restent comme ça sur le quai alors qu'il y avait des restaurants à côté. Ils sont allés donc au restaurant. Les gendarmes, mis en confiance, ont accepté pratiquement tout ce qui leur était demandé. Lorsqu'on est arrivé dans le restaurant, non seulement il n'y avait plus de menottes, mais je crois même qu'il n'y avait plus d'uniforme. Les gendarmes avaient enlevé leur cravate, enfin tout ce qu'ils pouvaient laisser paraître leur signe distinctif. Et à la fin du repas, dans l'euphorie, mon client a dit « Mais maintenant, moi je suis détenu depuis un certain nombre de mois. » Les nécessités d'ordre physique, etc. Mais enfin, moi, si je profite de la situation avec une fille que je vais trouver, pas de raison que vous n'en profitiez pas aussi. Et tout ce beau monde s'est retrouvé, je crois, dans des chambres respectives. Et bien sûr, mon client a eu comme premier souci de s'en aller. Et il est parti, alors là, vraiment à la barbe de tout le monde, ce qui a fait un scandale terrible. Là, il se trouve sans un sou, il n'a rien et sans personne. Il est libre, mais il est seul. Alors, il vole à l'inventaire d'un marchand de journaux un quotidien quelconque. Il épluche les petites annonces. Il prend contact avec quelqu'un qui a un terrain à vendre quelque part, à un prix relativement modique. Il réussit à entrer en relation avec ce vendeur. Il parvient à le convaincre qu'il va lui acheter son terrain, mais il n'a pas l'argent sous la main. Comme il voulait redescendre dans le midi de la France, lui, parce qu'il pensait que là, il aurait des contacts plus favorables avec des gens qui pourraient l'aider, il persuade ce vendeur, qui était certainement un brave homme, de le faire voyager dans sa voiture et de l'amener de Paris à Marseille. Comme il se méfie, parce qu'il se dit quand même que son évasion a fait quelques bruits, il arrive à persuader cet automobiliste qu'il faut qu'il voyage caché. Il va voyager dans le coffre de la voiture. Et puis alors, vraiment, cet homme est tellement persuadé que pendant un temps, il ne se méfiera de rien. Puis il va s'apercevoir, je crois, en arrivant aux portes de Marseille, qu'en fait, il y a quelque chose qui tourne pas rond, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, il refusera d'aller plus loin et mon client va se trouver, alors cette fois-ci, sur le pavé de Marseille, sans rien. Mais ça ne s'arrête pas là. Il prend contact avec... alors, il avait noué des amitiés. Il prend contact avec des gens qui avaient un certain nom dans le milieu marseillais de l'époque. Il réussit à se faire héberger par ces gens-là, qui n'en voulaient pas, mais qu'il arrive à convaincre. Il prend pied chez eux, ça se passe dans la banlieue marseillaise. Il est pratiquement adopté par ces braves gens, jusqu'au moment où on s'aperçoit qu'il est tellement bien installé dans la vie de tous ces personnages que pratiquement il a noué des relations avec l'épouse de l'un d'entre eux. Alors dans la plus pure tradition du milieu, on n'accepte pas ça et on le prend. On va probablement donc c'est ces gens qu'il avait hébergé, qu'il avait recueilli et dont il avait trahi la confiance. Alors vous pensez que dans ce milieu, c'est quand même quelque chose qu'on ne fait pas. Ces gens vont certainement le corriger très sévèrement. Mais alors là, il y a un impératif sur le moment. C'est qu'à l'époque, l'Olympique de Marseille mène une carrière très fastueuse en Coupe de France. Il y a un match de Coupe de France auquel ces gens-là doivent assister impérativement. Il ligote mon malheureux client, on le met dans une baignoire en attendant que le match soit terminé, qu'il revienne s'occuper de lui. Mais lui arrive à se défaire de ses liens. À ce moment-là, comme il est séquestré, il se met à la fenêtre du grand immeuble où il est immobilisé depuis quelques heures. Il appelle au secours. Ce sont les pompiers marseillais qui viendront le libérer. Il leur fera croire dans un premier temps qu'il est un touriste étranger qui a été séquestré par des voyous qui lui en voulaient, etc. En grande pompe et en le traitant comme une victime, on va l'amener à l'hôtel de l'évêché à Marseille, où il faudra que ce soit les gens qu'il avait séquestrés, qui sont revenus du match de football, qui se sont aperçus qu'il y avait un attroupement en bas de leur immeuble et qui se sont rendus compte qu'une fois de plus, ils ont été bernés, il faudra que ce soit ces gens-là qui téléphonent à l'hôtel de police à Marseille en disant « Attention, le fameux touriste belge que vous êtes en train de recueillir et de cajoler n'est rien d'autre que le fameux malfaiteur qui vous échappe depuis des semaines et des semaines. » Et l'affaire se termine là. Voilà. Of heaven somewhere for me and you. Some pictures on the sideboard, sky and sea of blue. I see us in deck chairs, you so fine, talking to yourself, and I'm talking all the time. Connections get lost, dear, that's what they say. And I'm a specialist at that, and I do it in my own special way. I dream of an eternal sunrise, of grass growing over my toes. I think of all those smiling faces, and I think of the moon as it glows. But now the moon's getting darker by the hour, and the minutes, they seem so long. And I'm so nostalgic that I put it in this little song. It smells of fish and chips and ice cream and things you do when you're on your holiday. Dreams and dreams and schemes, idling the hours away. But when you hear me screaming tonight, everything's gonna be alright. It's just all those little pictures, all those little frames, and all those names that I can't get right. There are a million rooms in my head, and every one of them is for you. I'll keep filling them up with dust and dark, but I love you. Les évasions par les sous-sols. D'ailleurs, on m'avait fait une cellule à peu près blindée. On avait fait couler du ciment, on avait arraché le plancher. On nous avait arraché le plancher, il y avait un plancher, on pouvait descendre dans les sous-sols avant. Moi, j'avais une cellule absolument blindée, il y avait 30 cm de béton bleu, un béton très dur, donc impossible de passer de ce côté-là. Enfin, vous voyez les difficultés du truc. Et un beau jour, en me transférant de panier en salade pour toujours avec le fourgon cellulaire pour aller à l'instruction, c'est là que je me suis aperçu que il y avait des possibilités de ce côté-là en évitant beaucoup de choses. J'ai aperçu à travers les lames du plancher, des planches, parce que jamais j'avais vu une possibilité pareille. Je l'avais vu, mais autrement, je l'avais vu en découpant les tôles, par côté, en faisant attaquer les fourgons à la rigueur, mais je n'avais pas vu une possibilité, disons, en souplesse, en mettre la vie des gens, surveillants, même les flics, tout ça en jeu, parce que l'attaque d'un fourgon, ça peut compliquer les choses pour tout le monde. Et là, j'avais vu défiler un petit peu sous moi, sous mes pieds. À un moment donné, j'ai vu défiler la rue, le boulevard Saint-Germain. Alors pour moi, ça a été un truc formidable. Je me suis dit, ça y est, je suis à 30 cm de la liberté. Qu'est-ce qui me sépare? Il n'y a qu'une planche ou deux. Et évidemment, deux surveillants, ça veut dire deux gardes mobiles qui étaient quand même dans le petit couloir du fourgon cellulaire. Mais évidemment, ils ne peuvent pas nous voir. Ils ont un petit œilleton, une petite chose comme ça. Mais ils viennent surveiller que de temps à autre. Alors j'avais minuté tout ça. Ça a duré des mois et des mois. J'ai provoqué des petites balades, disons, aux juges d'instruction. Par exemple, j'ai des révélations, etc., pour me balader le plus souvent possible. Ça veut dire pour bien palper la cuirasse du truc, en l'occurrence, le panier à salade. Et puis, ce qui devait arriver est arrivé, bien sûr, au moins, j'ai mis près de 2 ans, hein, quand même, pour la mettre au point, parce que les paniers à salade n'étaient pas tous faits pareil. Je les avais fait espionner aussi par des amis à moi à l'extérieur. Quand ils étaient garés le long du quai des Orfèvres ou des choses comme ça, quand ils étaient en attente de détenus, j'avais des amis qui se transformaient en balayeurs, en trucs comme ça, et puis qui venaient un petit peu, soi-disant, ramasser un papier, et puis voir un peu ce qui se passait en dessous, pour voir un peu comment... Je voulais une description beaucoup plus précise pour tout minuter au poil, quoi, bien. Enfin, avec toute cette ce ramassis, disons, de petits détails, de petites choses que je poussais, parce qu'on ne peut pas se permettre de louper un truc comme ça, c'est pas possible. Hein. Autrement, je passe sous les roues. C'est d'abord un peu de plus, ça y était. Quoi. Et puis un beau jour, bon, moi, j'ai dit, bon, bah, il faut attaquer. Et puis je me suis fait rentrer à l'époque ce qu'il fallait, lame de scie, tout ça, bon. Vous savez que du temps des bagnards et tout ça, on appelle ça un plan. C'est un truc en ivoire qu'on se met dans l'anus, etc. Maintenant, c'est devenu... Tout le monde y est un peu au courant de les grands trafiquants passent dans leur anus et les femmes dans leur vagin, soit des brillants, soit de la cam, quoi. Enfin, disons, de la drogue, dans des trucs comme ça, quoi. Mais enfin, ça, il y a très longtemps, quand même, que ça existait. Les bagnards, dans le temps, les bagnards passaient dans leur plan de l'argent, en principe, à l'époque. Et alors moi, j'avais toujours un plan, j'ai toujours eu un plan depuis très très très longtemps. Tant que j'ai exercé ce métier, j'ai toujours eu un plan. Pour la bonne raison, c'est que j'étais toujours en cavale. Si vous me demandiez si j'en avais un maintenant, je vous dirais pourquoi faire. Maintenant, les lames de scie, je m'en sers pour couper mes tables et pour faire autre chose, pour faire de la décoration, mais pas pour scier les barreaux de l'administration pénitentiaire. Alors... et puis un beau jour, donc, j'ai mis ça très, très au point. Et puis, évidemment, comme j'étais en haute surveillance, ça a été très difficile de pouvoir obtenir un transfert beaucoup plus long. Parce que c'était très court de la santé au Quai des Orfèvres, c'était très court et j'avais pas le temps. Là, j'avais matériellement pas le temps de scier, quoi. De scier le plancher, c'était pas possible parce que ça fait quand même un petit peu de bruit. Alors, c'est de là, justement, que je me suis un petit peu trafiqué physiquement. C'est-à-dire qu'étant donné ma malheureuse renommée, il fallait vraiment que j'aie le paquet pour être transféré. Ça veut dire le paquet au point de vue malade physique. Alors, j'ai pilé, j'avais obtenu par des garçons qui travaillent au service général, ce qui veut dire des employés à l'intérieur de la prison, des employés détenus. J'avais réussi à avoir quelques vieilles ampoules, et puis j'avais pilé ces ampoules-là, très très très fines, en poudre, et puis je prisais ça à longueur de journée. Ce qui fait que j'ai eu les poumons tout à fait irrités, et puis je me forçais à tousser. Alors dans des moments comme ça, ce qui arrive, c'est que les bronches toussent, sont en sang, et on arrive donc à cracher du sang, à saigner, etc. Et puis après, je m'étais drogué. Alors le dernier jour, j'avais ce qu'il fallait. Je m'étais drogué pour avoir à peu près 40 de température. Et lorsque le médecin est venu une nuit en urgence, il a vu et le sang Il a vu et la température, il a dit à transférer coûte que coûte d'urgence dans les 24 heures. Mais moi, j'étais prêt, je m'attendais. Enfin, tout ça, je vous résume ça, mais ça a demandé des semaines et des... Donc, presque 2 ans pour arriver à mettre ça au point. Et le jour du transfert, donc, alors là, c'est là que j'ai commencé à attaquer. Malheureusement, le jour du transfert, j'étais pas tout seul. D'habitude, j'étais tout seul parce que, avant de monter dans le fourgon, il y avait marqué à surveiller. Alors, quand on nous appelle par notre nom pour monter dans le fourgon, et aussitôt, on dit, par exemple, Monsieur Dupont, AS. Monsieur Girier, AS. Ça veut dire à surveiller. Alors, on nous mettait tout seul. Moi, ça m'arrangeait d'être tout seul. Mais ce jour-là, pour Fresnes, il y avait beaucoup de malades. Et c'est là qu'on m'a mis avec un brave garçon qui lui, était vraiment tuberculeux. Il n'était pas tuberculeux par les ampoules. Il est des ampoules pulvérisées. Il était tuberculeux. Et ça a compliqué un peu ma tâche. Mais enfin, j'y suis arrivé quand même. J'ai essayé. Puis enfin, j'avais pas la position. J'ai pas eu dans le panier à salade la position rêvée. Ça veut dire que moi, j'avais mis au point. En principe, les hautes surveillances, on nous mettait toujours à l'arrière du fourgon. Et la seule fois, vous voyez que le grain de sel existe partout, c'est pour ça que quand je dis à mes gars, c'est pas la peine d'essayer de réaliser l'affaire parfaite quand ils veulent monter une attaque à main armée ou autre chose, parce qu'il y a toujours un petit truc, le grain de sable. Et ce jour-là, le grain de sable, eh bien, c'était beaucoup de détenus malades. Il y avait une petite épidémie de grippe, quelque chose. Et on était beaucoup, donc on m'a mis avec ce garçon-là dans la toute petite cellule qui fait à peu près 50 sur 50, enfin, etc. Et là, les difficultés ont commencé parce qu'il a fallu que je lui monte un petit peu la tête, lui dire attention, on va... Enfin, j'ai mis quand même un petit peu de temps pour le convaincre que, de toute façon, qui veuille ou qui veuille pas, j'allais faire attaquer le fourgon qui devait être attaqué Porte d'Orléans. Mais que malgré tout, en cas d'encas, je me préparais, moi, en dessous, une sortie, des fois où ça tourne mal, etc. Alors, il a toujours cru, ce garçon-là, que le fourgon allait être attaqué et que je sciais le plancher simplement pour comme porte de sortie en cas d'encas, quelque chose arrive de grave et qu'on puisse pas partir par les portes, disons. Pour scier, j'ai pas mis tellement longtemps. Hein. Ça a duré à peu près 8-10 minutes. 8 minutes à peu près. Ça a été très très vite. Hein. J'avais un montage spécial et tout ça. J'avais étudié ça. D'ailleurs, ce que j'ai oublié de vous dire auparavant, c'est qu'étant donné que j'avais trouvé le défaut à la cuirasse, dans la cellule, je m'entraînais. Ça veut dire que j'avais demandé à travailler. On nous donnait à l'époque du collage à faire. C'était des trucs de boîtes en carton, coller des cigares, des boîtes de cigares ou des boîtes de tubes de dentifrice. Et là, on m'avait donné une table, vous voyez, comme ceci, là. Bon, une table normale, une table de cuisine, par exemple, avec un dessus en bois. Et là, je m'étais arrangé, moi, à faire un dessus en carton, et j'avais remplacé le dessus en bois. Et il me servait la nuit à m'entraîner pour scier. Je calculais les nombres de temps de scie, etc., et pour passer dans un tout petit trou. Ça fait qu'entre deux rondes, comme j'avais réussi à obtenir les temps de rondes, je m'entraînais vite à passer dans un petit trou de 25 cm sur 20, un truc comme ça. Vous voyez, ça, c'était au préalable. Ça, c'était la préparation du truc pour passer dans ce fameux trou en question. Et alors ensuite, il y a eu la catastrophe, parce que moi, j'avais prévu un temps d'arrêt. J'avais fait minuter ça des amis. À la porte d'Orléans, il y avait quand même à l'époque, beaucoup de circulation. Et toujours le panier à salade ou les fourgons qui allaient à Fresnes étaient arrêtés. Plus ou moins un feu rouge, comme il y en avait 2 ou 3. Et là, figurez-vous qu'on est tombé, malheureusement, sur un agent de la circulation quand il a vu le fourgon qui venait, les fourgons, parce qu'il y avait 2 fourgons, il a vu les fourgons arriver, il a tout de suite bloqué tout le monde, et avec force coup de sifflet, ils nous ont fait passer en priorité. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de temps d'arrêt pour moi m'éjecter à la porte d'Orléans. j'ai pas pu partir à la porte d'Orléans. Alors comme j'étais, je sentais que j'allais être cuit, que c'était, je me suis introduit dans le petit trou que j'avais fait, que j'avais scié au préalable. Et puis au prochain arrêt, mais l'arrêt c'était lequel? Maintenant vous savez ce que je vous ai dit tout à l'heure, ma position était mauvaise. On m'avait pas mis à l'arrière du fourgon, on m'avait mis à l'avant. Et ce qui veut dire à l'avant du fourgon, j'étais à 1,50 m des deux grosses roues jumelées qui sont à l'arrière. Alors évidemment, là, c'était très, très dangereux parce que passant le trou devant ces roues jumelées, si le camion démarre aussitôt, il me passe dessus. Enfin, une fois de plus, libre ou mourir, puis voilà. Alors là, j'ai eu de la chance, parce qu'il faut quand même de la chance en toute chose dans la vie. J'ai eu de la chance, au premier arrêt, ben, j'ai plongé. Je me suis fait éjecter. Ce garçon qui a été très gentil au-dessus, parce que j'étais quand même un petit peu coincé, parce qu'il m'avait gêné. Il me gênait dans un petit truc en tôle comme ça. Il a réussi à m'éjecter de force. Et aussitôt, je me suis mis à l'horizontale. J'ai fait un tonneau et je me suis dégagé tout de suite. Et aussitôt après, le fourgon partait. Lui-même, d'ailleurs, est passé sous les roues, à moitié sous les roues. Il a été pas mal abîmé, d'ailleurs. Ils l'ont repris, mais pas tout de suite. D'ailleurs même, il a eu encore aussi, lui, de la chance, ils l'ont repris beaucoup plus tard que moi. Moi, j'ai été repris presque tout de suite après, je crois deux mois et demi après. J'ai eu le malheur d'avoir refait contacter ma femme, ma fille à l'époque, et puis le Borniche à l'époque était très excellent, avec un très bon poulet qui avait des agents de renseignement un peu partout. Il a su qu'un jour ou l'autre, avant de m'en aller en Amérique ou ailleurs, que j'allais venir recontacter. Il a été très patient, puis il m'a sauté là, quoi. Classique, il y a classique ou moins classique, ça va des barreaux sciés avec les murs que l'on arrive à franchir la plupart du temps avec les fameux drap-noués, hein. Ça se passe dans la réalité comme ça se passe au cinéma. Là je peux citer les noms. Il y a l'évasion d'Alain Benjeloul avec François Besse lorsqu'ils sont partis de la prison de Fresnes, où précisément on les avait mis là parce qu'il paraît qu'ils étaient mieux surveillés. Et ils sont partis de la façon la plus classique. Ils ont réussi à franchir à scier les barreaux, à franchir les murs et à se retrouver dans les environs de Fresnes et bien sûr à s'égayer dans la nature. Il y a toujours, en pensant à Benjeloul, il s'était déjà évadé une première fois de la maison d'arrêt de Lyon, où des camarades, enfin, qui étaient venus. Dresser un pont élévateur le long de la prison de Lyon, là, au cours Suchet. Apparemment, les policiers qui ceinturent la prison n'avaient pas eu l'attention tellement attirée par cet engin qui était là, dressé contre le mur. Et puis, le pont élévateur s'est dirigé vers l'intérieur de la prison. La benne a basculé. Benjeloul n'a eu qu'à sauter, traverser le grillage qu'il a facilement descellé, prendre place dans le pont élévateur, je crois faire un geste d'adieu et s'en aller à la barbe de tout le monde, à celle des gardiens et à celle aussi des fonctionnaires de police qui croisaient dans la rue et qui ont été totalement médusés par le spectacle auquel ils assistaient. J'avais essayé justement en 47 ou 8, je me souviens pas, hein, parce que moi, avec moi, les années, elles passent très vite ou elles sont très longues, ça dépend où je me trouve. Et là, je m'étais fait transférer à l'époque à... une fois de plus, à l'hôpital de Fresnes. Et à l'hôpital de Fresnes, à l'époque, on m'avait mis dans un dortoir. Dans un dortoir, parce qu'il y avait beaucoup de monde, et il y avait à l'époque, c'était la Libération, il y avait même des magistrats qui avaient collaboré, il y avait des collaborateurs, il y avait des vrais voyous, des faux voyous, enfin, il y avait tout le monde là-dedans. C'était le folklore, c'était tout ce qu'il y a de gentil, c'était le patronage, quoi. Enfin bon, mais le patronage très surveillé quand même, parce qu'il y avait des équipes de CRS et de gardes mobiles qui gardaient la prison hôpital. Alors là, j'avais trouvé un truc avec pas mal d'observations, puis là, j'avais fait venir des amis, c'était beaucoup plus simple. À l'époque, j'étais moins en vue qu'après, et j'avais les coudées, disons, plus franches. Alors je m'étais aperçu que du dortoir, on pouvait, en montant sur les toits, etc., en descendant dans des petits cours de promenade, avec un grappin, parce que la prison de l'hôpital de Fresnes est entourée à l'intérieur des murs d'enceinte, qui font quand même 8 mètres environ. Il y a des sapins tout le tour, des grands pins, des grands sapins. Et je m'étais aperçu à la promenade, dans des petites cours, en commun, mais en commun par 6 ou 8, je m'étais aperçu qu'il n'y avait pas tellement de distance. Ça veut dire qu'il devait y avoir à peu près 5-6 mètres entre le mur et les sapins en question. Et là, les gardes mobiles tournaient de toute façon toute la nuit. Ils se croisaient, ils tournaient, mais ils n'avaient pas de chien quand même à l'époque. Et là, je m'étais aperçu, j'avais observé, je vous passe un tas de détails, j'avais fait aussi une grille d'observation de ronde, et puis je m'étais aperçu, là, qu'avec des grappins, moi, en ouvrant la porte du dortoir, d'abord, j'avais découpé, encore une fois, la porte du dortoir pour faire marcher la serrure avec des clés de boîte à sardines, parce qu'étant donné qu'on était en commun, c'était quand même pas comme quand j'étais en haute surveillance, c'était quand même plus facile. J'avais réussi à faire un espèce de passe. J'ai toujours aimé un peu faire de la mécanique dans cette ordinée-là. La preuve, vous voyez où j'en suis. Et puis, j'avais réussi à l'accrocher, cette porte-là, et à tomber dans un espèce de petit truc où il y avait une horloge sur le toit. Et de l'horloge, là, c'était facile. Et on a, pour aller sur le toit, puis descendre avec des filins. Alors, les filins, il n'y en avait pas, des draps, il n'y en avait pas, mais moi, je m'étais fait tricoter, et tout, de tout temps, des maillots de corps, des maillots de peau, quoi, disons, en cordonnet de soie, de la corde de parachute et tout ça. Ce qui fait que la nuit, je tressais des trucs comme ça, j'avais toujours sous la main soit la clé des champs, soit la corde pour aller faire les ascensions de la Liberté. Voilà un peu comment ça se passait. Puis alors le grappin, avec les lames du sommier, j'avais réussi à faire un petit crochet avec un contrepoids, ce qu'on appelle le balancier, le système de balancier. Là, il faudrait que je fasse des croquis, puis c'est pas la peine d'expliquer ça comme ça. Il n'y a pas de raison. C'est des petits secrets professionnels. Et puis alors, ce jour-là, donc, eh bien, on a réussi, après aussi de longues semaines d'attente, on est sorti à 5 ou 6, on est descendu la nuit. Vous voyez un peu la nuit, c'est terrible. La nuit, c'était au mois de novembre. J'attendais toujours le mois de novembre, le brouillard, les gardes mobiles, ils ont froid. Des fois, ils boivent un coup plus que l'autre. Ça permet des fois de faire sauter une ronde, ce qui nous arrange. Et puis, avec tous mes copains, on est descendu dans les murs de ronde. De là, on a monté dans les sapins pour essayer de balancer ce harpon. Mais pas possible, parce que le sapin nous gênait, me gênait pour pouvoir lancer. Et puis, les amis avec qui j'étais, quand même, c'était, au point de vue athlétique, ils étaient pas très, très puissants et ça marchait pas. Il a fallu redescendre des sapins, puis tenter l'évasion rituelle, ça veut dire du bas du mur de ronde, lancer un grappin à 7 ou 8 mètres, et puis monter à travers le mur, etc. Alors moi, évidemment, ça n'a pas été tout seul, parce qu'il y a eu des moments d'affolement, quand vous pensez qu'on est descendu à 1h du matin, et à 4h, on était encore en bas. On avait vu passer au moins 10 rondes. Ils nous frôlaient, ils étaient à 4 mètres, ils parlaient de leur retraite, du machin, des vacances, des trucs, enfin des trucs invraisemblables. Bon, ben, voilà. C'était terrible. Alors nous, on était là, on disait, qu'est-ce qu'on fait? On leur saute dessus. Bon, ben, c'était pas possible, ça n'a jamais été ma méthode. Alors on a travaillé un petit peu en finesse, on a attendu. Et puis, avec un petit peu de repos entre ces rondes, ça m'a permis, à un moment donné, le grappin, il a passé. Le grappin a passé, je suis monté au faîte du mur. Et puis quand j'ai été en haut, eh bien les autres n'ont pas pu monter. Alors je suis redescendu, parce que je n'ai pas voulu les laisser. La voiture qui nous attendait plus loin, moi j'avais donné 2 heures, je savais qu'elle n'y était plus. Alors je n'ai pas voulu, je me suis dit, il y a encore une chance, on a encore une chance peut-être pour plus tard. On est revenu par le chemin où on était passé. Il y a eu simplement un de mes amis qui a dérapé sur les tuiles, qui a fait un peu de bruit, et il y a eu une contre-ronde, et là, Il y a eu vraiment l'alerte totale. Ils sont tombés à 50 gardes mobiles dans le dortoir. Et alors, on n'avait même pas eu le temps de se déshabiller parce qu'on avait fait rentrer des fringues civiles, des trucs comme ça. Moi, en premier, puisque j'étais près de la porte, bien sûr. En premier, ils ont pris la couverture, ils ont arraché les draps. Évidemment, j'étais habillé. Alors là, pas de problème. On a tous été marrons. Enfin, tous ceux qui avaient fait cette expédition. Alors, imaginez-vous que le matin, c'était pas un réveil de boîte de nuit. Hein, c'était pas chez Régine, là. On nous a emmenés vite fait à poil au cachot, à Fresnes même, quoi. Et moi, la voiture étant par là, j'ai voulu me garder une chance en me disant ben, peut-être que je vais pouvoir faire rebelote, enfin recommencer un mois ou deux après, hein, ça dépend. Mais il n'y a pas eu de rebelote. Il y a eu après les autres histoires, les autres évasions. J'ai tourné la difficulté en allant justement me faisant passer pour fou et en allant donc à Villejuif avec, dans la prison, dans le truc psychiatrique réservé aux assassins, enfin des malades mentaux. Et c'est de là que je suis parti avec Émile Buisson, qui a été guillotiné par la suite. Mais là, on a fait attaquer l'asile, purement et simplement. Quand l'infirmier rentrait son petit chariot de soupe, nos amis lui ont sauté dessus, les ont braqués, nous ont mis les échelles, étaient couchées dans les seaux de loup, on appelle ça des seaux de loup, vous savez, c'est des grands fossés, comme aux eaux, quoi, finalement, parce que l'horizon, on le voit, le mur, on le voit pas, mais finalement, de notre côté, il y a un saut de loup de 7-8 mètres de profondeur, et il y avait des échelles qui avaient été amenées la nuit, là. Alors là, on a pu s'en aller quand même relativement tranquille, quoi. On vit sa vie sans visage, en changeant de masque avec l'âge. On vit sa vie en vis-à-vis et on s'abuse en vitesse de se faire un alibi. Le temps d'une vie, le temps d'une envie, le temps d'une vie, le temps d'une envie. Tu vis, tu meurs tout à l'heure et tu marches pendant tout ce temps. En vis-à-vis et on s'abuse en vitesse de trouver un alibi. Le temps d'une vie, le temps d'une envie, le temps d'une vie, le temps d'une envie. On vit sa vie comme on défait son lit. Le temps de se faire un safari. Une belle de jour, mille balles la nuit. Et on s'habille en vitesse pour trouver un alibi. Le temps d'une vie, le temps d'une envie. Le temps d'une vie, le temps d'une envie. Ça dit que ça aime, ça dit que ça aime pas. Ça a toujours trop chaud, trop froid. Ça c'est pas qui, ça c'est pas quoi, ça s'habille. celui qui n'avait plus qu'un pas à faire, celui qui est tombé, celui qui a trahi, celui qui a trop tardé, celui qui était trop vieux pour réussir un coup pareil, celui qu'on a donné, celui qui faisait du bruit, celui qui a glissé, celui qui est resté toute la nuit sous le préau, celui qui a dit « on a une chance sur deux » et il avait peut-être une chance sur 100, celui qu'on n'a pas prévenu, celui qui a attendu que la nuit tombe, celui qui avait peur, celui que j'ai vu, celui qui a réussi malgré les chiens, celui qui reculait pour mieux sauter et qui n'a pas sauté. Quand même intéressant, c'est l'évasion qui se passe bien, au cours desquelles il n'y a pas de violence qui soit exercée, où il n'y a pas de sang versé. Hein. D'ailleurs, il ne faut jamais oublier que l'évasion en elle-même n'est pas punissable. Les gens qui s'évadent au terme du code pénal ne peuvent être punis que s'ils s'en rendent coupables de bris de prison, c'est-à-dire si ils cassent quelque chose, ils effritent les murs, ou bien s'ils se rendent coupables de violence. Mais l'évasion en elle-même, quelqu'un qui sauterait simplement par-dessus le mur, est quelqu'un qui ne peut pas être poursuivi. On considère presque que l'évasion est une espèce de droit que l'on reconnaît aux détenus. Alors, l'évasion sur laquelle on peut un instant s'arrêter, et que l'on doit considérer avec quelques sympathies, et je le pense avec quelque indulgence, C'est l'évasion qui permet simplement aux détenus de s'en aller, de quitter la prison, et au cours de laquelle il n'y a rien de désagréable qui se fasse. Alors là, on est obligé de penser à cette évasion spectaculaire de Fleury-Mérogis, où les moyens modernes ont été utilisés, puisque c'est un hélicoptère qu'on est venu chercher celui qui a réussi à quitter cette prison. C'est un de mes clients, mais l'affaire est toujours à l'instruction. Elle sera jugée si l'on trouve une qualification pénale qui s'adapte parfaitement à la situation, compte tenu de ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que pour que les gens soient poursuivis, pour qu'ils soient punis, il faut soit qu'ils aient usé de violence, soit qu'ils aient cassé quelque chose. Alors là, il est certain que l'hélicoptère n'était pas venu seul, et que pour qu'il y vienne, on avait dû contraindre le pilote non seulement à décoller, mais à voler. Donc je pense que l'inculpation et tout trouvé, mais enfin, il n'y a pas encore un épilogue judiciaire à cette affaire. Alors, ce que je peux dire, c'est ce que tout le monde en sait, c'est que dans une cour de promenade, à l'heure où les détenus étaient dans la cour, normalement, et où ils étaient plusieurs dizaines, un hélicoptère est arrivé, venant d'un héliport parisien, et qu'il n'en a eu aucune peine à se poser sur l'aire de promenade, parce qu'elle était assez vaste pour cela, et que les gens qu'on était venus chercher sont partis, là encore, à la barbe des gardiens. Moi, j'ai toujours cherché justement à passer, à pas passer sur la vie des gens pour m'en aller, à pas passer sur leur corps, plus exactement. Et à la limite, j'irai plus loin en disant que de toute façon, ça porte pas bonheur. On peut pas tuer les gens, ça vous retombe pas dessus. Mais je parle moralement. Et moi, évidemment, entre nous, il y a eu des histoires graves. Je vous dis pas que j'ai jamais tiré sur personne, puisque nous, il y a eu des fois des petits règlements de compte, des petites histoires comme ça, où il a bien fallu agir. Bon, mais pour des gens innocents qui sont pas de notre bord, qui moi non, ça m'intéresse pas. Parce qu'au point de vue moral, c'est quand même des pères de famille, plus ou moins. Et j'ai toujours évité que ça soit dans des attaques ou dans des évasions, ça. Et j'irai même plus loin, vous voyez, à part que quand j'ai poignardé cet Allemand là ou en Allemagne, quand j'ai été déporté donc avec ma femme, quand j'étais très très jeune, j'ai eu cette espèce de poignarder quelqu'un, c'était quelque chose d'extraordinaire, cette espèce de pénétration dans le dos d'un bonhomme, même avec un casque, même habillé en Allemand. Moi, j'avais 20 ans à l'époque, ça m'a marqué, vous voyez, que ça soit un revolver ou un couteau, de plonger une arme comme ça, un couteau dans le corps d'un... à quelque chose près, ça se trouve peut-être que maintenant je le ferai et je demanderai peut-être pardon aussitôt, j'irai me constituer prisonnier, je sais pas, parce que il faut une sacrée moelle. Quand je pense que maintenant il y a des jeunes qui poignardent des vieux et puis qui. Moi je comprends pas. Moi alors ça me dépasse, je comprends pas. Je peux pas. Si vous me demandez d'expliquer, non, je peux pas l'expliquer, je comprends pas. Vous comprenez, François Besse part en ce moment, jusqu'à preuve du contraire, sans. Pour l'instant, il n'y a pas de sang de coulé, vous voyez, c'est un peu ce que je pouvais faire dans le temps. Il part en finesse, il y a des bousculades, il y a des trucs, il n'y a pas... Ben, qu'est-ce que vous voulez ? On sait très bien qu'un prisonnier, il faut qu'il s'évade. Pendant la guerre, un prisonnier était décoré parce qu'il s'évadait. Maintenant, s'il loupe son coup, on le tue. Bon, ben, d'accord, il peut se faire tuer. Maintenant, lui, comme il part en souplesse. Il a l'air de bien méditer ses histoires. Je veux pas lui tresser, comment dirais-je, une couronne pour ses évasions et tout, mais ce qu'il fait, pour l'instant, il le fait bien, du moins qu'il n'y a personne demeure. Je crois que c'est pas à la portée de tout le monde, il faut une détermination. D'ailleurs, j'ai pensé très souvent à la tête de ceux avec qui j'avais été en cellule la première fois et qui ont appris le lendemain par la presse que je m'étais évadé. Ça a dû leur faire une drôle d'impression. Ils ont dû se dire, quel caïd ce mec-là, alors que c'est loin d'être le cas. Si je te dis encore une fois, tu as vu, je l'ai pas magnifié mon évasion. C'est un concours de circonstances assez favorable. Mais eux ont dû penser que j'étais un entêté, un type qui savait ce qu'il voulait et qui avait été jusqu'au bout. Ils ont dû penser que j'avais pris des risques considérables. Alors que si on réfléchit bien, c'est astucieux, mais c'est pas quelque chose de c'est pas l'évasion de Mérine, hein. Il faut pas exagérer, hein. C'est une évasion tout à fait modeste. Mais qui permet quand même, en définitive, le procès de l'évasion, on peut s'ébahir sur le procès de l'évasion, on peut s'évader d'un QHS, c'est certainement beaucoup plus difficile. Et il faut toujours être admiratif devant la prouesse humaine que ça représente. Enfin, en dehors de toute considération sociale ou légale, hein, je dis, moi je suis admiratif devant un acte qui emporte, qui fait qu'un homme se dépasse. Et là, on l'a fait de Mérine. Moi, je me suis pas dépassé dans l'acte, donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire, je veux dire, en soi. Ce qui est intéressant, c'est ce que ça a impliqué par la suite, ce que ça a impliqué aussi comme motivation psychologique au départ. Le désir absolu de s'évader, quoi, d'y arriver. Sachant bien qu'il était plus facile de s'évader dans le commissariat, encore que c'est pas évident. Je connais les commissariats maintenant où tu t'arraches plus, hein. Mais j'ai par exemple, lorsque j'ai été arrêté par la suite en 68, pensé lorsque j'ai été incarcéré, gardé à vue pendant 48 heures au Quai des Orfèvres, à m'en échapper du Quai des Orfèvres. C'est pas de la tarte parce que ça demande, il faut passer des nuits à observer les gens, à observer l'environnement, à tout observer, à s'observer aussi soi-même parce qu'il faut avoir une ligne de conduite très, très stricte, disons, il faut mener une vie d'ascète. En prison, ça veut dire que je m'astreignais, moi, par exemple, à beaucoup de culture physique, beaucoup de marches dans la cellule. Je sais pas, je devais faire 30 km par jour, parce que j'estime que la marche doit exciter un petit peu ou aviver le circuit sanguin. Et je crois qu'en marchant, j'arrivais à beaucoup plus de précision dans ce que je devais faire, dans mes méditations. Pour ces choses-là, parce que je vous dis, c'est très difficile. Et la nuit, évidemment, souvent, tout est... la nuit, quand je dis la nuit, moi, j'ai jamais été dans la nuit. En haute surveillance, on est allumé jour et nuit. Ah oui, jour et nuit, pour que les rondes, quand les surveillants passent, qu'ils nous voient en position sur le matelas, etc. D'ailleurs, si par malheur l'hiver, à l'époque, on n'était pas chauffé, avec une couverture ou deux, il arrivait qu'on se couvrait ou que je me couvrais. Alors, il tapait un peu dans la porte pour voir si j'avais pas mis, ou moi ou d'autres, s'il n'y avait pas un mannequin à notre place, hein, des choses comme ça. Donc, la vie, elle est perpétuellement tendue, et c'est difficile, il faut prendre beaucoup sur soi. Il fallait donc observer tout le monde, observer les rondes, les surveillants et tout ça. Et puis, partant de cela, il fallait faire un choix dans les petits défauts de cette fameuse cuirasse en question. Parce que croyez-moi que la santé, c'est bien fait, c'est bien gardé, il y a du personnel, il y a tout ça. Le fourgon, René Girier, dit René Lacanne, dont on peut lire « Je tire ma révérence » aux éditions de la Table Ronde. Celui qui avait pour client l'escroc ligoté dans la baignoire, maître Jean-Louis Pelletier, qu'on retrouvera demain. Celui qui parlait du chouan, dessinateur, Lucien Gaillard. Celui qui filait du commissariat de Nice, Serge Livrosé, auteur de plusieurs livres sur la prison et de lettres d'amour à l'enfant que je n'aurai pas. À l'idée, je l'avais dehors. Hein. Moi, je savais bien que c'était pas gratuit. Hein. Je savais bien qu'un jour ou l'autre, de toute façon, je plongerais. Ça veut dire que quand j'ai choisi, disons, ce chemin-là, je m'étais dit 15 ans dehors ou 15 ans dedans, mais les 15 ans dehors avec tout ce que la vie nous apporte, enfin peut nous apporter, ne serait-ce que dans son exposition. Ça veut dire dans les voyages, dans les bons restaurants, dans les beaux bijoux, et moi qui avais des enfants pour leur offrir des beaux jouets, etc. Enfin, toutes la jouissance de la vie, cette jouissance-là, moi je savais que de la famille d'où je sortais, je ne l'aurais jamais. que je serais comme mon père, à passer la porte de la même usine pendant 30 ans. Je me suis dit, bon, ben, je vais risquer le tout pour le tout. Ma mentalité avait été comme ça, préparée comme ça par les maisons de correction. Et puis j'ai joué, j'ai dit 15 ans en prison, 15 ans dehors. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. C'est pour ça que l'évasion, je l'ai pensé du départ. Je l'ai pensé de l'époque de la maison de correction où je vous dis, je ne méritais absolument pas la maison de correction. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Même quand je me baladais dans une ville, ou si j'allais en promenade, si j'allais à la pêche, si j'allais sur la Côte d'Azur, je m'arrangeais toujours pour venir voir la prison. Toujours, toujours, toujours. Je connais pratiquement une bonne partie extérieure des prisons françaises. Parce que j'allais toujours voir en disant, tiens, peut-être qu'un jour, je passerai cette porte-là, alors comment sont les murs? Vu de l'extérieur, on a beaucoup plus de précision. Et j'étais toujours obsédé par ce truc-là. J'ai toujours pensé à ça. La Belle, Mehdi Elhadj, Jean-Pierre Milovanov, Les coups des franges. Magnétique. Annie Lebègue, Didier Cornier, Marcel Pagan, Mehdi Elhadj, Jean-Pierre Milovanov.